إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On continue la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé l'explication et le tafsir de Surat al-Dhariyat. Aujourd'hui, on entame, inshallah ta'ala, l'explication de Surat Qaf. قال تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, dans les versets 1 à 4 de sourate Qaf. Qaf, par le Coran glorieux. Mais ils s'étonnent que l'un des leurs, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur vint comme avertisseur. Et les mécréants dirent, ceci est une chose étonnante. Quoi ? Quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, et nous avons un livre où tout est conservé. قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة قاف وهي مكية. يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي وسيع المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات جزيل المبرات والمجد سعة الأوصاف وعظمتها وأحق كلام يوصف بهذا هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له والشكر الله على المنة به ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها ولهذا قال تعالى بل عجبوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم أي ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم وهو من جنسهم يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه بل يتعجبوا من عقل من تعجب منه فقال الكافرون الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم لا نقص بذكائهم وآرائهم هذا شيء عجيب أي مستغرب وهم في هذا الاستغراب بين أمرين إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه من هذا حاله وهل تعجبه إلا دليل على زيادة ظلمه وجهله وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه فهذا من أعظم الظلم وأشنعه ثم ذكر وجه تعجبهم فقال أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير الكامل من كل وجه بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم الذي يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في برزخهم وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل كل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم، وهذا استدلال بكمال علمه وسعته إلى التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. Donc il dit رحمه الله en expliquant ces versets 1 à 4 de sourate Qaf qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par le Coran glorieux, c'est-à-dire le Coran qui a des sens vastes et immenses. Un Coran qui comporte de nombreuses bénédictions. Et Al-Majd, c'est l'étendue, et c'est l'étendue des qualités et l'immensité d'une chose. Et donc, la parole qui mérite la mieux d'être caractérisée par ce terme Al-Majd, par une parole glorieuse est ce Coran qui comporte les connaissances des premiers et des derniers, le Coran qui comporte une éloquence absolue, et les termes du Coran sont les termes les plus beaux, et ses sens sont les plus vastes et les plus honorables. Et ceci, c'est-à-dire cette importance du Coran et le fait que le Coran et d'une éloquence absolue, que ses termes sont les plus beaux et que ses sens sont les plus généraux et les plus vastes, eh bien cela doit amener à le suivre, à s'empresser de se soumettre aux commandements qu'il y a dans ce Coran, et également cela doit nous amener à être reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce Coran qu'il y a devant nous est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Mais la plupart des gens ne se rendent pas compte et ne réalisent pas la valeur des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah azza wa jalla dit par la suite bel ajibu, mais ils s'étonnent, c'est-à-dire ceux qui ont traité de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étonne que l'un d'entre eux, que l'un des leurs, vint comme avertisseur. Que l'un des leurs, c'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie de Quraysh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de leur tribu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah azza wa jal comme avertisseur, pour les avertir. C'est-à-dire avertir son peuple de ce qui leur est néfaste, de ce qui pourrait leur nuire, de ce qui pourrait les nuire, et également de leur ordonner ce qui leur est profitable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie d'eux. Il leur est totalement possible de prendre directement les informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur est totalement, ils sont capables également de vérifier la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de vérifier sa véracité. Ils se sont donc étonnés d'une chose qui ne mérite pas que l'on s'étonne d'elle. Et Cheikh Saadi dit: et l'on s'étonne même des raisons qui s'étonnent de cela. Le fait qu'il s'étonne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des leurs qui leur est venu comme avertisseur. Cela les étonne. Or, il n'y a absolument rien d'étonnant dans cela. فَقَالَ الْكَافِرُونَ. Et les mécréants dirent, donc ce qui les a amenés à dire ces paroles et à s'étonner de cette façon, Cheikh Saadi dit, ce qui les a amenés à s'étonner de la sorte, c'est leur mécréance. C'est leur mécréance et le fait qu'ils aient traité de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est en aucun cas un manque ou une défaillance de leur intelligence. Qu'est-ce que les mécréants dirent ? هذا شيء عجيب. Ceci est une chose étonnante. Ceci est une chose étonnante. Et face à cette chose étonnante pour ces mécréants, Cheikh Oussaadi dit qu'ils sont face à deux situations. Soit ils sont véridiques lorsqu'ils disent qu'ils sont étonnés, que l'un des leurs leur est venu comme un avertisseur. Alors, s'ils sont véridiques dans cet étonnement, cela prouve le summum de leur ignorance et cela prouve la faiblesse de leur esprit. Et Cheikh Oussaadi rahimahullah dit, de la même façon que celui qui est fou s'étonne de la parole du doué de raison. De la même façon que le lâche et le peureux s'étonnent de ce cavalier vaillant et courageux qui s'en va combattre plusieurs cavaliers. Et cela est équivalent également à cet avare qui s'étonne de la grande générosité dont sont dotés les gens de beauté, les gens de bonté. Donc le fait qu'ils s'étonnent de cela ne montre que leur offense, leur injustice à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur ignorance. Car un fou, par exemple, qui s'étonne de la parole d'un doué de raison, qu'est-ce que cela va ajouter à ce fou ? La folie. Cela va ajouter la folie. On va dire, lui, il est fou. Et le fait qu'il s'étonne de la parole d'un doué de raison, d'une personne extrêmement mûre, extrêmement posée, extrêmement réfléchie, dont les paroles ne sont que la vérité, le fait que ce fou s'étonne de ces paroles et les condamne, eh bien, nous montre encore plus sa folie. De la même façon, les mécréants, lorsqu'ils s'étonnaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse partie d'eux et qu'il leur ait été envoyé comme un avertisseur, le fait que cela les étonne nous montre l'étendue de leur injustice et de leur ignorance. Donc ceci est le premier cas de figure. Ou soit alors, ils sont étonnés tout en sachant qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont étonnés, mais en réalité, ils savent que c'est la pure vérité. Donc ils savent, malgré leur étonnement, qu'ils sont dans l'erreur, et ceci montre encore plus leur injustice. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité également une autre chose qui les étonne. Lorsqu'il dit Azza wa Jal, a'idha mitna wa kunna turaba, ذلك رجع بعيد. Quoi ? Quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Ils ont donc comparé la capacité et la puissance de celui qui est capable de toutes choses. Ils ont comparé celui qui est parfait sous tous les points. Ils ont comparé la force et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la capacité d'un serviteur, d'un être humain faible et incapable sous tous les points. Ils ont comparé l'ignorance à celui qui a la science de toute chose, subhanahu wa ta'ala, celui qui sait ce que la terre ronge de leur corps lorsqu'ils sont sous terre dans leur tombe. Et Allah subhanahu wa ta'ala a écrit cela et l'a préservé auprès de lui dans un livre qui ne peut ni être falsifié, ni être modifié. Et inscrit dans ce livre tout ce qui va avoir lieu dans leur vie ainsi qu'après leur mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضِ, dans ce verset 4 de Surat Qaf, Allah Azza wa Jal utilise pour preuve sa science parfaite pour prouver qu'il est capable de faire revivre les morts. Donc ici, les mécréants ont comparé, lorsqu'ils se sont étonnés, qu'ils puissent être un jour ressuscités. Ils ont donc trouvé cela étonnant, car cela est étonnant pour leurs raisons, qui sont des raisons humaines, qui, pour qui il est impossible de faire ressusciter un mort. Et ils ont donc comparé leur faiblesse et leur incapacité à la puissance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient la science de toutes choses et qui est capable de toutes choses subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, qui est totalement capable de les faire ressusciter, et bien plus encore, Allah azza wa jal sait tout ce que la terre ronge de leur corps. Tout ce que la terre ronge de leur corps. Imaginez tous ceux qui sont enterrés dans leur tombe. Certains, la terre a rongé entièrement leur corps, d'autres en partie, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que la terre ronge de chaque corps. Thumma qala ta'ala, بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. Puis Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 5 selon le sens, plutôt ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue, les voilà donc dans une situation confuse. اي بل كلامهم الذي صدر منهم انما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو اعلى انواع الصدق لما جاءهم فهم في امر مريج أي مختلط مشتبه لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار فتارة يقولون عنك إنك ساحر وتارة مجنون وتارة شاعر وكذلك جعلوا القرآن عضين كل قد قال فيه ما اقتضاه رأيه الفاسد وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدرى له وجهة ولا قرار فترى أموره متناقضة متفكة كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله. Il dit rahimahullah, c'est-à-dire que ces paroles émanant des mécréants, est une preuve de leur entêtement et de leur refus de la vérité. Donc ceci, en réalité, n'est pas un étonnement de leur part, mais c'est un entêtement et un refus d'accepter la vérité. D'accepter la vérité lorsqu'elle leur est parvenu. Fahum fi amrim marij. Les voilà donc dans une situation confuse. Voilà donc que ces mécréants qui s'entêtent et refusent la vérité se trouvent dans une situation mitigée, pleine d'ambiguïté. Ils ne restent pas et n'ont pas une position ferme. De temps en temps, parfois ils disent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est un sorcier. D'autres fois ils disent que c'est un possédé. D'autres fois ils disent que c'est un poète. Et ainsi ils ont fait du Coran des fractions diverses. Et ils ont dit sur le Coran tout ce que leur suggérait leur mauvaise pensée. Et ainsi sont tous ceux qui traitent de mensonge la vérité. Ils sont dans une situation confuse. Ils n'ont pas d'avis ferme et définitif. Et les peu d'avis mitigés qu'ils ont sont contradictoires les uns les autres. Car y a-t-il une contradiction entre traiter quelqu'un de sorcier et le traiter de poète? Est-ce que c'est contradictoire ou pas? Oui ou non? Oui, c'est contradictoire. Lorsque tu dis qu'une personne, de temps en temps, elle est poète et de temps en temps, elle est possédée, cela est contradictoire. Car un possédé ne sait pas ce qu'il dit. Or, le poète sait ce qu'il dit. Le possédé ne sait pas ce qu'il fait. Or, le sorcier sait parfaitement ce qu'il fait. Donc, les différentes accusations qu'ils ont portées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et différentes façons dont ils ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont aussi diverses que contradictoires. Et ainsi sont ceux qui rejettent la vérité. Leurs positions ne peuvent être qu'ambiguës et contradictoires. Contrairement à ceux qui suivent la vérité, à ceux qui considèrent la vérité comme la chose qu'il faut suivre, alors leurs pensées sont droites et leurs positions sont cohérentes et leurs actions confirment leurs paroles. ثم قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Il dit سبحانه وتعالى selon le sens dans les versets 6 à 11 de sourate Qaf. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure? Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux. À titre d'appel à la clairvoyance, et un rappel pour tout serviteur repentant, et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé, comme substance pour les serviteurs. Et par elle, c'est-à-dire par l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Ainsi se fera la résurrection. لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل بل هو في غاية السهولة فينظرون كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجوار الكنس التي ضربت في الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا قد جعلها الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع. Il dit, rahimahullah, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait cité la situation de ceux qui ont traité de menteurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après qu'Allah azza wa jal les ait réprimandés et critiqué leurs paroles, Allah subhanahu wa ta'ala les appelle à observer ces signes célestes afin que ces mécréants méditent. Et raisonne sur ce qui est une preuve contre eux. Il dit Azza wa Jal, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux? C'est-à-dire que cette observation du ciel ne demande pas des efforts et ne demande pas de voyager. Au contraire, d'observer le ciel est une chose extrêmement simple et aisée. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux afin de voir comment nous l'avons bâti, de voir ce dôme au côté rectiligne, de voir que ce ciel a été construit de façon ferme, un ciel qui est embelli par des étoiles gravissantes qui courent et disparaissent, c'est-à-dire ces étoiles qui apparaissent et disparaissent dans le ciel. Un ciel qui est embelli de l'horizon à l'horizon. Tu ne vois dans ce ciel aucune imperfection. Tu n'y vois aucune fissure et aucun défaut. Allah Azza wa Jal a fait de ce ciel un toit pour les habitants de la terre. Et Allah Azza wa Jal a placé dans ce ciel de nombreuses choses qui sont bénéfiques pour les êtres humains, pour les êtres vivants. Et dans le ciel, il y a ce qui est même nécessaire pour eux. وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرها تقر عين رامقها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العلب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه ومن النخيل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجار فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وأدما وفاكهة يأكلون منه ويدخرون هم ومواشيهم وكذلك ما يخرج الله بالمطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض والتي تحتها من حب الحصيد أي من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره. Puis, Cheikh Saadi dit, rahimahullah, en expliquant la suite de ces versets, et la terre, comment nous l'avons étendue. C'est-à-dire, et n'ont-ils pas observé, après qu'Allah Azza wa Jal leur ait demandé d'observer le ciel, Allah Azza wa Jal leur demande d'observer la terre. Et d'observer la terre comme nous l'avons étendue, c'est-à-dire de quelle façon nous avons élargi, et qu'ils observent la terre, de quelle façon nous l'avons élargie, de telle sorte que tout être vivant y trouve un endroit où se loger et un endroit où trouver de quoi subvenir à ses besoins. Et qu'il regarde également de quelle façon nous avons ancré la terre par les montagnes, afin que la terre ne soit pas prise de secousses et afin qu'elle ne dévie pas. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux. C'est-à-dire que nous y avons fait pousser toutes sortes de végétation qui rendent heureux celui qui les contemple, qui émerveille celui qui les observe. Des végétations qui permettent aux fils d'Adam de se nourrir et de nourrir leur bétail également. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ces versets de façon particulière ces jardins qui comportent différentes formes de fruits exquis, comme le raisin, comme la grenade, comme l'autruge. Qu'est-ce que l'autruge ? Qui sait ce que c'est l'autruge ? Vous connaissez les fruits et les légumes ou pas ? L'autruge, c'est le cédra. Vous allez me dire, c'est quoi le cédra ? Le cédra, c'est un agrume, donc de la famille des agrumes, qui ressemble qui a la forme d'un citron, mais un gros citron. Et il est appelé cédra car l'odeur de la peau fait rappeler l'odeur du cèdre. Donc, Allah Azza wa Jalla a cité de façon particulière ces jardins comportant ces différentes formes de fruits. Donc ici, Cheikh Oussaidi cite les raisins, la grenade, le cédra et les pommes et bien d'autres formes et espèces de fruits. Puis Allah Azza wa Jal cite les hauts palmiers, c'est-à-dire qui sont élevés, qui s'élèvent, et les palmiers sont des arbres qui s'élèvent très haut dans le ciel. Ils font partie même des arbres qui s'élèvent le plus haut possible. Et sortent de ces palmiers des régimes superposés, des régimes de dattes qui sont superposés les uns au-dessus des autres. Ces mêmes dattes qui sont considérées comme, qui sont utilisées comme des fruits par les êtres humains, des fruits qui peuvent être consommés frais et qui peuvent être également stockés. Car les dattes peuvent être séchées et donc elles peuvent être conservées dans la durée. Également, c'est une nourriture pour leur bétail. Comment est-ce que les palmiers sont une nourriture pour les bétails ? Hein ? Les palmes. Les palmes des palmiers, les grandes tiges, lorsqu'elles sont séchées, même fraîches, peuvent être consommées par le bétail. Et également, Allah Azza wa Jal cite ce qu'il fait sortir après que la pluie tombe et ce qui découle de cette pluie comme rivière qui ruisselle à la surface de la terre. Et également, des bienfaits qui découlent de cette pluie, notamment des grains que l'on moissonne. Des grains que l'on moissonne et que l'on récolte, que ce soit des grains de blé, d'orge, de maïs, de riz ou à dourn. Qu'est-ce que le dourn ? On a déjà vu le dourn. En français, c'est le millet. Le millet qui est une céréale qui ressemble au blé mais qui a une forme ronde. ثم قال رحمه الله فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة يتبصر بها من عمى الجهل وذكرى يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله وأخبرت به رسله، وليس ذلك لأحد بل لكل عبد منيب إلى الله، أي مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة داعيه. وأما المكذب أو المعرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وحصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والشدة والقوة دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء، وجوده الذي عم كل حي، وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له تعالى. وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخذات الأمم وأن لا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين. فيلجي رحمه الله: et le fait de contempler ces choses à laquelle nous appelle Allah subhanahu wa ta'ala, de contempler le ciel et la façon par laquelle Allah azza wa jalla l'a bâti, de contempler la terre et ce qu'elle contient comme végétation et ce qu'elle produit également comme fruit, tout ceci et le fait de contempler toutes ces choses est un appel à la clairvoyance. Appel à la clairvoyance. Une clairvoyance qui permet de ne pas être affecté par l'aveuglement de l'ignorance. Wadhikra, c'est un appel à la clairvoyance et un rappel. Un rappel par lequel on se remémore et l'on se rappelle ce qui nous est bénéfique dans notre religion et dans notre vie d'ici-bas. On se rappelle à travers cela ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit et ce que nous ont informé ses prophètes et envoyés. Et ceci, c'est-à-dire le fait que de contempler les cieux et la terre soit une clairvoyance et un rappel, cela n'est pas donné à tout le monde. Cela n'est pas donné à tout le monde, mais comme l'a dit Allah Azza wa Jal, pour les kulli 'abdin munib, pour tout serviteur repentant. Pour tout serviteur repentant, c'est-à-dire que ce sont ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala en aimant Allah, en ayant peur de lui, en espérant de lui. Eh bien, ce sont eux qui profitent de cette contemplation des cieux et de la terre. Quant à ceux qui traitent de mensonges les signes d'Allah Azza wa Jal, quant à ceux qui s'entêtent à rester dans le faux, eh bien, ni les signes, ni les avertissements ne sont profitables pour les peuples qui ne croient pas. Et de façon générale, ce qui est contenu dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala comme beauté fascinante, comme force, est une preuve de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que la création d'Allah azza wa jal comporte comme beauté et perfection et comme minutie prouve qu'Allah azza wa jal est le plus sage des sages et qu'il est connaisseur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et ce que la création comporte comme bienfait pour les serviteurs est une preuve de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est plus vaste que toute chose. Et cela prouve la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité qui embrasse tout être vivant. Et ce que la création d'Allah azza wa jal comporte comme créature immense et cette organisation de l'univers qui est parfaite prouve qu'Allah azza wa jal est le seul, l'unique. Prouve qu'Allah azza wa jal n'a pris ni de compagne ni d'enfant et que Allah azza wa jal n'a pas d'égal et que l'adoration et la soumission ne doivent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le fait qu'Allah azza wa jal fasse revivre la terre après qu'elle soit morte, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala wa ahyayna bihi baldatan mayta, et par elle, c'est-à-dire par l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte, à une terre morte. Ainsi se fera la résurrection. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse revivre la terre après qu'elle soit morte est une preuve qu'Allah Azza wa Jal fera revivre et ressusciter les morts et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les rétribuera selon ce qu'ils auront œuvré. Et après qu'Allah Azza wa Jal ait cité ces signes présents dans les cieux et dans la terre, Allah Azza wa Jal a fait redouter à ces mécréants ce qu'ont subi les communautés qui les ont précédés. Et que si ces mécréants persistent dans le fait de ne pas croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le traiter de menteur et de traiter le message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de mensonge, eh bien qu'ils subiront le même sort que leurs frères qui ont traité eux aussi de mensonges et de menteurs les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal auparavant. Et l'on continuera l'explication de Surat Qaf, notamment en citant ces versets dans lesquels Allah Azza wa Jal nous cite le devenir de ces peuples qui ont traité de menteurs leurs prophètes et quelle a été leur finalité. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.